À en croire les principaux intéressés par une mobilisation massive des électeurs, à savoir les politiciens et les patrons, les abstentionnistes seraient des irresponsables. Pour les citoyens amoureux des urnes, ils seraient en plus de dangereux décervelés faisant le jeu des populismes d'extrême gauche et d'extrême droite, ces épouvantails qui entretiennent l'illusion selon laquelle toutes les tendances peuvent s'exprimer, tout en maintenant l'idée que seule l'alternance gauche-droite est légitime pour gouverner. Finalement, la calomnie à l'encontre des abstentionnistes est un classique. C'est même un aspect essentiel de toute propagande électorale. Les abstentionnistes existent depuis que les dominants ont institué la démocratie et les élections comme système moderne de musellement des populations. N'était pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. N'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblée syndicale. L'électoral n'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule. Ne suffit plus à nous faire parler, à nous faire taire. On maintient l'ordre à coups de sabre. On lâche la bride à la flicaille. On lâche la bride à la flicaille. Bonjour à tous à l'aube de cette merveilleuse journée. Le temps sera beau, avec quelques nuages épars en fin d'après-midi. Marmelade ? Non, merci. Nous avons de la chance. Oui, nous commençons notre campagne pour les élections aujourd'hui. La pluie refroidit toujours les plus enthousiastes. Des élections au village ? Mais bien sûr, nous faisons notre choix tous les 12 mois. Tous les citoyens ont le droit de voter. Vous allez courir votre chance ? Je suis prêt à saisir toutes celles qui me font sortir d'ici. Vous pouvez être élu à un poste. Lequel ? Le mien, par exemple. Un curieux sens de l'humour. Bien entendu. L'humour, mon cher, est l'essence même de notre genre de société. Lettre d'Élisée Reclus datant de 1885, adressée à Jean Grave. Compagnon, vous demandez à un homme de bonne volonté, qui n'est ni votant ni candidat, de vous exposer quelles sont ses idées sur l'exercice du droit de suffrage. Le délai que vous m'accordez est bien court, mais ayant, au sujet du vote électoral, des convictions bien nettes, ce que j'ai à vous dire peut se formuler en quelques mots. Voter, c'est abdiquer. Nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c'est renoncer à sa propre souveraineté. Qu'ils deviennent monarques absolus, prince constitutionnel ou simplement mandataire muni d'une petite part de royauté, le candidat que vous portez au trône ou au fauteuil sera votre supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois, puisqu'ils se chargent de les rédiger et que leur mission est de vous faire obéir. Voter, c'est être dupe. C'est croire que des hommes comme vous acquerront soudain, au tintement d'une sonnette, la vertu de tout savoir et de tout comprendre. Vos mandataires ayant à légiférer sur toute chose, des allumettes aux vaisseaux de guerre, de l'échenillage des arbres à l'extermination des peuplades rouges ou noires, il vous semble que leur intelligence grandit sans raison même de l'immensité de la tâche. L'histoire vous enseigne que le contraire a lieu. Le pouvoir a toujours affolé, le parlotage a toujours abêti. Dans les assemblées souveraines, la médiocrité prévaut fatalement. Voter, c'est évoquer la trahison. Sans doute les votants croient à l'honnêteté de ceux auxquels ils accordent leur suffrage. Et peut-être ont-ils raison le premier jour, quand les candidats sont encore dans la ferveur du premier amour. Mais chaque jour a son lendemain. Dès que le milieu change, l'homme change avec lui. Aujourd'hui, le candidat s'incline devant vous, et peut-être trop bas. Demain, il se redressera, et peut-être trop haut. Il mendiait les votes, il vous donnera des ordres. L'ouvrier, devenu contremaître, peut-il rester ce qu'il était avant d'avoir obtenu la faveur du patron ? Le fougueux démocrate n'apprend-il pas à courber les chines quand le banquier daigne l'inviter à son bureau, quand les valets des rois lui font l'honneur de l'entretenir dans les antichambres ? L'atmosphère de ces corps législatifs est malsain à respirer. Vous envoyez vos mandataires dans un milieu de corruption, ne vous étonnez pas s'ils en sortent corrompus. N'abdiquez donc pas, ne remettez donc pas votre destinée à des hommes forcément incapables et à des traîtres futurs. Ne votez pas. Au lieu de confier vos intérêts à d'autres, défendez-les vous-même. Au lieu de prendre des avocats pour proposer un mode d'action futur, agissez. Les occasions ne manquent pas aux hommes de bon vouloir. Rejeter sur les autres la responsabilité de sa conduite, c'est manquer de vaillance. Je vous salue de tout cœur, compagnon. Signé Élisée Reclus. Cette lettre d'Élisée Reclus datant de 1885 a été insérée dans le journal Le Révolté du 11 octobre de la même année. Comme on peut le constater, depuis le 19e siècle, c'est toujours le même cirque électoral qu'il nous faut saboter. À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en graisse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitant de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il vaudrait mieux les pendre que leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Ce Cloque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Il nous faut un candidat qui fasse une bonne impression sur les gens. Ce n'est pas un vulgaire défilé de mode, c'est l'élection présidentielle. On ne peut pas désigner n'importe qui pour devenir président. C'est sans précédent, je sais. Charles Maestrachi, non. Sous-titre, au commencement, le silence des urnes devient assourdissant. Pamphlet anti-électoral paru aux éditions de l'Insomniac en novembre 2011. De hautes espérances avaient jadis été fondées sur la démocratie. Mais la démocratie signifie simplement le matraquage du peuple, par le peuple et au nom du peuple. Oscar Wilde. Après le printemps arabe, voici bientôt venir en France le printemps électoral, où vont éclore un peu partout des urnes. Mon but, en écrivant ce pamphlet, puisqu'il y a une progression constante de l'effondrement de la participation électorale, est d'augmenter cette masse critique qui passe par le boycott, l'abstention et l'inaction directe. Considérer que voter ne sert à rien est une évidence, et, comme dit le dicton, si les élections pouvaient changer la vie, il y a longtemps que l'État les aurait interdites. C'est donc le vote, et non l'abstention, qui fait du citoyen le complice des infamies du pouvoir. S'abstenir de participer à la mascarade électorale, c'est non seulement démontrer que le peuple ne croit plus aux balivernes des politiciens, mais aussi qu'il a compris qu'ils sont copains comme cochons avec les banksters, ces financiers qui ont mis la planète en coupe réglée au nom de la sacro-sainte mondialisation de l'économie. Comme l'écrivait déjà la militante radicale américaine Mother Jones en mars 1901, dans l'International Socialist Review, les femmes n'avaient alors nulle part le droit de vote. Je cite « Or, le renversement complet du système capitaliste, je ne vois aucune solution. Et selon moi, le père qui vote pour la perpétuation de ce système est tout aussi meurtrier que s'il prenait un pistolet pour tuer ses propres enfants. » Fin de citation. Il est donc peut-être temps, là maintenant, de précipiter la fin de ce système inique, et même criminel, en profitant de son actuelle panique. La crise mondiale du crédit et de la dette, et son corollaire, l'appauvrissement généralisé. Les peuples ne sont pas révolutionnaires, c'est l'époque qui l'est, et nous y sommes. Voter, c'est tolérer l'injustice, et tolérer l'injustice est un crime. La tyrannie la plus redoutable n'est pas celle qui prend figure d'arbitraire, c'est celle qui vient couverte du masque de la légalité. Albert Libertat. Le 1er janvier 2011, si l'on en croit le dernier recensement, la France comptait 65 millions d'habitants, dont près de 4 millions de citoyens étrangers. Et sur les 64 millions de citoyens français, dont 3 millions d'expatriés, 45 millions sont inscrits sur les listes électorales, dont environ 43 millions résident en France. Lors des élections présidentielles de 2007, sur ces 45 millions d'inscrits, il y a eu 37 millions de votants, dont 35 millions se sont exprimés, soit 2 millions de votes blancs ou nuls. 18,5 millions pour Nicolas Sarkozy et 16,5 millions pour Ségolène Royal. Ainsi, 8 millions d'inscrits ne se sont pas déplacés et 2 millions n'ont choisi ni l'un ni l'autre, soit 10 millions. À cela, il faut ajouter les 22 millions d'habitants recensés restants. Il y a donc 32 millions de personnes de tous âges qui n'ont pas voté, n'ont pas choisi ou ne pouvaient pas voter. Les moins de 18 ans représentent 20% de la population qui réside en France. La population majeure, entendez en âge de voter, y est de 52 millions. Elle inclut environ 9 millions de majeurs ne pouvant voter. Les non-inscrits par choix ou par indifférence, surtout des jeunes et des pauvres, les résidents adultes étrangers, avec ou sans papier, les détenus majeurs, coupables ou innocents, et les personnes privées de leurs droits civiques. Ainsi, actuellement, Nicolas Sarkozy et son parti, l'UMP, qui imposent leur politique « travailler plus pour gagner plus », fort de leurs quelques 18,5 millions de suffrages, représentent à peine plus du tiers de la population adulte résidant en France, augmentée des majeurs expatriés de nationalité française. Ce qui revient à dire que ce gouvernement, qui a reçu l'onction du suffrage universel, ne gouverne qu'avec l'appui d'à peine un adulte sur trois. C'est ce qu'on appelle la majorité. Le premier parti du Nord, c'est l'abstention. Le taux d'abstention atteint près de 60%. C'est un record et c'est plus que la moyenne nationale. La faute, cher Brutus, n'est pas dans les étoiles, mais dans nos âmes prosternées. William Shakespeare. Ce gouvernement a donc été élu et il fait voter des lois. Même si elles sont injustes, elles sont légales. Adoptées par l'Assemblée, elles deviennent souveraines. Voir par exemple la loi augmentant l'âge du départ à la retraite, imposée aux salariés malgré le large rejet qu'ils ont exprimé dans la rue. La minorité majoritaire, les deux tiers, n'a plus alors voix au chapitre. Elle doit s'incliner. La démocratie représentative, que ce soit telle qu'elle fonctionne réellement ou même telle qu'elle devrait être idéalement, doit être considéré d'abord comme ce qui fige les choses et non comme ce qui permet de les modifier radicalement. C'est donc toujours une minorité démocratique qui mène le bal conservateur. La politique est l'art d'obtenir de l'argent des riches et les suffrages des pauvres, sous prétexte de les protéger les uns des autres. Monsieur Valtour. L'effondrement de l'illusion démocratique effraie essentiellement les classes moyennes qui ne cherchent qu'à préserver leur relatif confort. Et, que ce soit la gauche ou la droite, nul ne peut gouverner sans s'appuyer sur la richesse. Dès lors qu'un individu accède au pouvoir, c'est qu'il a obtenu l'appui des riches, qui veulent encore s'enrichir ou pour le moins ne pas perdre leurs immenses privilèges. C'est pourquoi, dès qu'ils gouvernent, ils ne sauraient dépouiller les riches, qui le soutiennent au profit des pauvres. Et les politiciens qui disent « nous le peuple » sont comme des asticots qui diraient « nous le cadavre ». Tout ça n'est donc que mensonge, pure fiction. Le seul fait réel est la galère des peuples, qui devraient se séparer radicalement de cette fiction partout où elle est censée régir l'ordre des choses. Accourez et votez gaiement aux populaces souveraines. Pendant le temps d'une quinzaine, on vous doit des ménagements. Si Marianne prend des amants, est-ce à moi de tenir le cierge? Cocu sans mon consentement, ma carte d'électeur est vierge. Cocu sans mon consentement, ma carte d'électeur est vierge. La la la la la la la la la la la la. Non, je n'irai pas galamment chant perfide des sirènes, de ma liberté cette aubaine, accordez le désistement, voter ne dure qu'un moment. Faudrait-il dégainer flamberge pour quelque éphémère serment? Ma carte d'électeur est vierge. Pour quelque éphémère serment, ma carte d'électeur est vierge. La la la la la la la la la la la la. Je sais fort bien que savamment on prend mes bienfaits à la chaîne, mais nous connaissons la rengaine, on nous le promet seulement. Au menu tout est agrément, nous savons ce que vaut l'auberge, la table aussitôt le dément. Ma carte d'électeur est vierge, la table aussitôt le dément. Ma carte d'électeur est vierge. La la la la la. Princes et consorts du Parlement, nul ne sait ce qui s'y gamberge, l'édile qui nous parle ment. Ma carte d'électeur est vierge, l'édile qui nous parle ment. Ma carte d'électeur est vierge. La la la la la. L'État, c'est le plus froid des monstres froids, et il ment froidement. Ce mensonge glisse de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Friedrich Nietzsche. Ainsi, que ce soit un gouvernement de droite ou de gauche, chaque individu, tenu par un morse, le travail salarié, dirigé par des rênes, les lois pondues à l'Assemblée, et poussé par un fouet pour les plus récalcitrants, la prison, se trouve attelé au char de l'État. L'État n'est pas une théorie, il est ce qu'il est, une réalité qui a entre ses mains les moyens militaires de se perpétuer à tout prix. En fait, il assure sa propre sécurité. Tout peut périr autour de lui sans qu'il ne coure aucun péril. Et bien sûr, on ne peut pas toucher à un cheveu du moindre de ses représentants. La rue n'a jamais tiré sur la foule. La rue, c'est le meilleur gouvernement. Vive la rue, écrit sur un mur de Kabylie en 2002. Lorsque la rue se soulève, l'État jette le masque et déploie d'abord ses forces de l'ordre, sa police et ses mouchards. Puis, si l'ampleur de la contestation augmente jusqu'à menacer la pérennité des institutions et du paradigme socio-économique en vigueur, il envoie l'armée mater ses propres citoyens. Il montre ainsi, de facto, que la guerre se mène à l'intérieur comme à l'extérieur, et que l'ennemi, c'est tout ce qui ne collabore pas avec lui. L'État, hanté par le souvenir des insurrections passées, s'est donné les moyens d'exterminer tous ceux qui pourraient l'attaquer frontalement et d'écraser dans le sang toute insurrection classique. C'est ce chantage sous-jacent au massacre qui fonde toujours tous les États, comme l'actualité internationale nous le rappelle régulièrement. Les 193 États de la planète, qu'ils soient démocratiques ou dictatoriaux, sont dépendants, en fin de compte, du pouvoir uniforme des hommes en uniforme. Bientôt, plus que le suffrage, le dégoût sera universel. Zo Daxa. L'électeur est un citoyen remplissant son devoir de soumission envers la République. Et il exerce, tout simplement, pour ne pas dire tout bêtement, son droit d'influer peu ou prou sur la carrière de politicien interchangeable. Le régime démocratique, au sein de la République, est avant tout la mise en œuvre d'une doctrine économique, une démocratie de marché donc, essentiellement soumise au marché financier qui phagocyte l'activité humaine. Le citoyen votant, en choisissant d'éliminer un tel et de nommer tel autre, œuvre surtout à jeter le voile sur l'abjection et l'iniquité de la puissance financière. Quand on dit que l'État est la mise en forme du rapport social dominant, qui est le rapport social capitaliste, cela est vrai désormais de tous les États sans exception, quelles que soient les rivalités, souvent sanglantes, qui les divisent par ailleurs. Comme dit Paul Matic Jr., chaque crise du capitalisme englobe le monde, comme chaque guerre est dorénavant d'une envergure mondiale. Ce ne sont pas des nations particulières, même sous le nom de coalition, comme actuellement en Libye ou en Afghanistan, mais la totalité du mouvement capitaliste qui est responsable de la guerre et de la crise. C'est lui l'ennemi, et il est partout. Je ne me présenterai pas aux élections présidentielles. Je ne suis pas fou. Excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On lui marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. Victor Hugo. Toute personne s'élevant contre l'État est, selon les médias inféodés à ce système, un méchant, un violent, un anti-républicain, un anti-démocrate, un malveillant, une racaille, un bandit, un fauteur de troubles, un anarchiste, un terroriste. Eh bien, j'en suis. Je lutte contre cette pourriture de système capitaliste tout démocratique qu'il soit, ce pouvoir qui, partout où mon regard se tourne, applique la tolérance zéro, crée loi sur loi qui empiète à l'infini sur la liberté des hommes, prévoit sans fin la manière de briser toute velléité de révolte, construit ou rénove indéfiniment prison, bagne, camp de travail pour les pauvres, renforce sans cesse ses moyens de répression, crée encore et encore des fichiers, des systèmes de contrôle, installe en tout lieu des caméras de surveillance, cherche inlassablement à perfectionner ses moyens militaires, etc. Comment pourrais-je alors, en voyant cela, considérer que les gouvernements sont bienveillants ? 1, 2, 3. Le tango des élus, parole de Renaud Séchant, musique de Renaud Séchant, interprétée Renaud Séchant et tous ses musiciens, chanson courte mais suffisante. Et dire que chaque fois que nous votions pour eux, nous faisions taire en nous ce cri ni Dieu ni maître, dont ils rient aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait Dieu, et qu'une fois de plus, nous nous sommes fait maître. Et puis c'est tout. Moi je le fais mieux. Et alors du con. Ah bon ? L'électeur, rien ne lui sert de leçon, ni les comédies les plus burlesques, ni les sinistres tragédies. Octave Mirbeau. Faire de la politique, avoir pour ambition de diriger les autres, c'est être à l'université du vol à grande échelle et de l'assassinat au même degré. Gouvernant ou opposant démocratique, tous deux n'ont pour objectif que de s'emparer du bien d'autrui par l'impôt ou par la prévarication. Malversation et trafic d'influence, détournement des fonds publics et autres rétrocommissions. En un mot et un seul, leur corruption qui engendre une récurrente trahison envers les peuples. Peuples qui subissent la volonté de minorités étatiques, avec à leur tête un roi ou un président, un congrès ou une assemblée, et qui sont surtout, tout simplement, mais peut-être pas pour toujours, des bandes d'escrocs armés jusqu'aux dents. Et quand je dis armés, c'est que la stratégie de tout État est non seulement de s'emparer du temps, de la vie, du sang et de la sueur de sa population, mais aussi d'y propager la peur, qu'il instrumentalise sans vergogne pour justifier sa confiscation de la liberté. Dans les démocraties comme dans n'importe quelle dictature, les lois, qui servent toujours en fin de compte les intérêts des riches et de leurs affidés, se doublent d'organes répressifs chargés d'imposer leur mise en application avec un maximum d'efficacité. Le renforcement des moyens de coercition, qui accorde toujours plus de liberté aux entreprises, c'est ce qu'on nomme le libéralisme, et toujours moins de liberté aux citoyens, mène fatalement à l'État policier et au totalitarisme marchand. Aucun État ne peut être conduit si les sots n'y abondent. Louis Lazarus. Je n'arrive pas à imaginer que les votants lambda soient tous des imbéciles, puisque certains, simplement désabusés, votent pour élire le moins pire. Mais dans tous les cas, ce sont des gogos. De magnifiques gogos, qui n'ont pas encore compris que la politique, c'est l'art de gouverner, et donc l'art d'exploiter. Qu'ils se font avoir sur toute la ligne de vie. De là le slogan « Élection, piège à con ». Mais d'où leur vient alors ce besoin d'être représenté, d'avoir un chef, d'être gouverné, de vouloir se mettre eux-mêmes sous tutelle comme un mineur ou un vieillard sénile? Il est déjà dur d'avoir des chefs, mais n'est-il pas encore plus stupide et masochiste de les choisir? Alors bien sûr, ça va de soi. Le gogo magnifique s'effraie lorsqu'il entend le mot « révolution », qui est la négation absolue de la tutelle politique, car il n'arrive même pas à imaginer comment il pourrait vivre sans cette tutelle. Quand un pauvre entre dans l'isoloir, il me fait penser à un crocodile qui entre dans une maroquinerie. Coluche. Celui qui s'arroge le titre de représentant du peuple n'est qu'un bonimenteur. Aucun individu qui se prétend représentant du peuple ne vit comme vit le peuple. Il bénéficie d'une voiture et d'un appartement de fonction, de garde du corps, de notes de frais, d'un haut salaire, etc. Il fait partie de la clique qui possède et dirige à la fois les moyens de production et les instruments d'oppression. Tout le monde, à part le gogo magnifique, peut constater qu'élection après élection, la richesse reste aux mains de la classe dirigeante et que tout le reste de la population ne vit que d'aumônes, de miettes. Bas salaire, SMIC, ASS, RSA, Resto du Cœur, SAMU Social, etc. Je ne suis pas électeur, je ne suis pas jamais Dieu. France, car c'est là que j'habite, je vois partout leurs photos et leurs slogans sur les affiches dans les rues. Comme en d'autres pays, d'autres badauds voient s'étaler d'autres tronches d'ambitieux. Ici, comme je l'ai dit plus haut, l'actuel président, comme Mitterrand et Chirac avant lui, et comme le prochain ou la prochaine, ne gouverne qu'avec le mandat d'un tiers de la population. Les deux autres tiers subissent sa politique sans que ce pouvoir démocratique ne tienne compte, en aucune manière, de leur incontestable majorité. Nicolas Sarkozy, élu au suffrage universel, tout comme les nazis et Hitler et d'autres dictateurs, avait lancé le 14 janvier 2007, lors de son discours d'investiture par l'UMP, un Auschwitzien. Le travail, c'est la liberté. Que vont inventer cette fois-ci les communicants de tous bords, ces mercenaires du bobard, pour encore embobiner le populo? On le saura bientôt, car chacun sait, sauf le gogo magnifique, que les intentions des principaux adversaires et rivaux du nabo de Neuilly ne diffèrent guère des siennes. Faire suer le burnou, mettre les récalcitrants au pas, servir la bonne sous-soupe au grand capital. Et ils vont tous nous chanter le même refrain « Votez dur, votez mou, mais votez dans le trou !» Y compris Marine Le Pen, qui, bien entendu, fait partie de la même bande. Elle participe en servant d'épouvantail au chantage démocratique. Comme son père auparavant, elle joue son rôle, suscitant les peurs des uns et exaltant celles des autres. Elle fait de la politique, dont vous savez, désormais, ce que j'en pense. En guise de conclusion. Ceux qui contrôlent l'argent des nations contrôlent les nations. Thomas Jefferson. Ainsi, citation après citation, pavé après pavé, si j'ai d'abord commencé à viser les citoyens qui se rendent complices de la mascarade électorale, vous avez pu voir, parce que ça en dégouline, que je vise ensuite l'État et les politiciens, ainsi que les financiers et autres banksters. Le nombre de pauvres en surnombre, devenus inutiles à leur maître, d'exclus et de prolos surexploités devient gigantesque. Le chantage de la dette va évidemment accélérer un processus dévastateur. Ouvrez les guillemets. Quand on laisse littéralement pourrir des millions d'êtres humains dans les réserves du paradis capitaliste, quand on militarise des quartiers entiers pour accueillir des sommets de chefs d'État, parler d'intégration est une ignoble plaisanterie. Dans cet impérialisme marchand, qui oblige des millions de gens à rêver le même rêve sans vie, aucun appel au dialogue et à l'intégration démocratique n'est possible. Anonyme, tiré de l'ouvrage à couteau tiré avec l'existence, ses défenseurs et ses faux critiques, Mutines Éditions, 2007. Je suis donc convaincu que l'homo financius n'aura aucune pitié envers quiconque, que ce monstre, engendré par le capitalisme, est un buveur de sang et qu'il ne va pas hésiter à fomenter une guerre ou quelque autre calamité. Car, comme ironisait Jean Servier, c'est manquer de beaucoup de confiance en l'homme que de croire qu'il a atteint un absolu dans le crime au cours du XXe siècle. Voilà ma crainte et la raison pour laquelle je me soulève contre l'État, ce simple valet armé des puissances financières et qui agit avec elles en symbiose. S'abstenir de voter pour désigner le chef des forces armées, le président de la République, serait une manière de s'insurger sans se jeter dans la rue pour tomber sous le feu nourri de leurs armes perfectionnées. Ce serait donc tout à son honneur si le peuple français boycottait massivement les urnes, car la force d'une insurrection est sociale. Aucun maître, aucun dirigeant ne peut enlever la possibilité du refus, d'un non qui va bien au-delà du choix de la marionnette présidentielle, puisqu'il s'adresse au système global, au non NOM, au nouvel ordre mondial. S'abstenir, c'est donc s'insurger contre ce système injuste, c'est commettre un acte de révolte en jetant ici sur la politique française le filet de l'opprobre. Osez, n'allez pas voter. C'était donc un texte de Charles Maestrachi, intitulé « Non », paru aux fameuses éditions L'Insomniaque en novembre 2011. Cette année, les candidats à la télé nous ont promis.

vote est-il? Tu votes en touche, tu votes pour le jazz manouche. Tu votes parce que c'est bien délire, tu votes et ça te fait bien rire. Tu votes facho, tu votes sarco, tu votes banal, tu votes royal, tu votes la haine, tu votes le même, tu votes tout mou, tu votes Bayrou, tu votes pourri, votes Chibardi, tu votes Teubé, votes Bévillier, tu votes Genot, votes Besancenot, tu votes Mémé, tu votes Buffet. Et si t'as pas le temps de lire, uriné dans les urnes. Il y avait au carrefour à Rome des vaisseaux et demi-cuves pour y apprêter à pisser aux passants. En ce temps-là, Chigalef disait à ses disciples « Un millième des hommes jouiront d'une liberté absolue et exerceront sur les 999 autres millièmes une autorité sans limite. Les autres devront renoncer à toute individualité, devenir un troupeau, et par une soumission totale, ils arriveront au moyen d'une série de régénérations à l'état d'innocence primitive, quelque chose comme l'Éden, bien que, toutefois, ils devront travailler. En ce temps-ci, le vote menace fort de devenir obligatoire. Le long des bâtiments publics, on nous ordonne de voter pour Brandon parce que Brandon c'est Duconneau et que Duconneau c'est Brandon. Hier soir dimanche, en un certain lieu étroit de Paris, près d'une vieille église et là où l'école n'est pas assez longue pour étaler la connerie des candidats, des panneaux ont été disposés en forme de paravent chinois. Cela formait dans l'obscurité une forteresse à Redan. Par cette belle nuit de printemps, les amoureux occupaient l'espace électoral et un clochard ronflait près de son mitre de rouge. Maurice Blanchard. Parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti pris, nous avons pris le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. De prendre la tête d'un parti. Oui, c'est le parti. Comme un parti. Notre parti. Un parti placé au-dessus des partis. Oui, c'est le parti. De tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti. Oui, c'est le parti. De tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Qui se protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci, jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie, et que l'autre partie de ces partis ait compris qu'il faut être en partie répartie. Notre parti, tous en un seul parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut que les plus hauts des idéaux. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Nos buts sont déjà fixés. Réconcilier les œufs brouillés. Faire que le veau d'or puisse se coucher. Apprendre aux chandelles à se moucher. Aux lampes pigeons à roues coulées. Faire sauter les plombs à coups de trique. Et les pommes de terre au plastique. Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an. Simplifier les lignes d'autobus. En supprimant les terminus. Et pour mauvais qu'on n'ait pas chiche, fermerait tous les hommes sandwich. Voilà quel est notre programme. Voilà le programme. 1, 2, 3, demandez le programme. 4, 5, 6, en prendre partout. 7, 8, 32, je le paye sans sous. 9, 43, 10, un hérésie. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti. De tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, notre parti. Oui, non, si, mais de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Et voici ce qu'est notre parti. Oui. Je ressens que les gens, du fait de la crise notamment, sont assez déboussolés et on ne sent pas une mobilisation comme on la ressentait à la dernière présidentielle. À l'arrivée, je pense que c'est sans doute à cette élection qu'on aura un record d'abstention. J'ai soupé de leur politique, les politiciens nous font une république. Bon à foutre aux chiens, peuple ne soit donc plus si flemme. Au lieu d'être vautard, faut faire tes affaires toi-même. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Pendant que ton patron se gave, toi t'as le ventre creux, tu restes toujours son esclave. Il t'appelle gueux, à turbine et tu t'esquintes. T'es toujours des chars, le piche se fout de tes plaintes. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Le comble de l'ironie, quand tu crèves de faim, c'est d'entendre la bourgeoisie t'appeler souverain. Celui qui veut ton suffrage, prends pour un jobard, fous-lui ton poing sur le visage. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Le député que tu nommes pour te faire des lois serait-il le meilleur des hommes? Il n'en vaut pas trois, nuit et jour il fait ripaille et se fait du lard. On voit faire toute cette bataille. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Copain passant contre-maître sera plus salaud. Un soldat parlant grand maître, quand il est cabot, à l'usine ou à la caserne, devient plus rossard du moment que l'on gouverne. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Voter, c'est se donner un maître pour le décorum qui bientôt deviendra traître dans l'aquarium. Gouvernant, patron jésuite, tout ça sent le mouchard, faut leur foutre la dynamite. Te dit le père peinard, te dit le père peinard. Faut leur foutre la dynamite, te dit le père peinard. Émile Pouget, Le muselage universel. Ce texte est tiré de l'Almanach du Père Peinard de 1896. Il paraît que nous sommes souverains. Autrefois, c'était les rois qui avaient cette veine. Aujourd'hui, c'est le peuple. Seulement, il y a un distinguo qui n'est pas négligeable. Les rois vivaient grassement de leur souveraineté, tandis que nous crevons de la nôtre. Cette seule différence devrait nous suffire à nous ficher la puce à l'oreille et nous faire comprendre qu'on se fout de notre fiole. Comment ? C'est nous qui remplaçons les rois, et s'il plaît à un sergot de nous passer à tabac, au garde champêtre de nous coller un procès verbal, à un patron de nous botter le cul, tout souverain que nous soyons, nous n'avons que le droit d'encaisser et de dire merci ? Par exemple, si cette garce de souveraineté nous rapporte peau de balle et balai de crin, il y en a d'autres à qui elle profite bougrement. Au lieu de garder ce trésor sous globe, kiff kiff une relique crétine avec autant d'amour que si c'était trois poils de la Vierge ou une des chaussettes de Jésus-Christ, on use de sa souveraineté. Mais on en use de la plus sale façon. On la délègue. Et voyez le truc miraculeux. Cette souveraineté, qui ne valait pas un pet de lapin quand elle était dans nos pattes, devient une source de gros bénéfices pour ceux à qui nous la déléguons. À vue de nez, il semble que ces oiseaux-là, nos représentants, devraient être nos larbins, nous obéir au doigt et à l'œil, n'en faire jamais qu'à notre guise. Va te faire l'enlair. Ces bons délégués nous font la nique, et bien loin d'accepter d'être nos larbins, ce en quoi ils n'ont pas tort car il est toujours malpropre d'obéir, ils se posent en maître et nous donnent des ordres, ce qui est crapuleux. Eux que nous avons tirés du milieu de nous ou d'à côté sont désormais les vrais souverains. Tout doit plier sous leur volonté. Le populo n'est plus qu'un ramassis d'esclaves. D'où vient ce changement à vue ? De ce que notre souveraineté n'est qu'une infecte roupie, une invention des gens foutres de la haute pour continuer à nous tenir sur leur coupe. Voici le truc. À force d'être plumé vif par les gouvernants de l'ancienne mode, rois et empereurs, le populo a fini par y trouver un cheveu et a commencé à ruer dans le brancard. Quand les grosses légumes ont vu que ça prenait une vilaine tournure, ils ont biaisé et ont dit aux rouspéteurs : vous avez raison de ne plus vouloir endurer des gouvernements de droit divin. Rois et empereurs sont des tigres altérés de sang. Nous allons les foutre en l'air et le peuple prendra leur place. C'est lui qui gouvernera. Cette couillonnade avait des petits airs honnêtes qui empaumèrent le populo. C'est lui qui allait être tout. Quelle veine, bon sang! C'est pour l'or que ça ronflerait chouettement. Toutes les pourritures de l'ancien régime seraient foutues au rancard. Tarata, quand on en vint à la pratique, ce fut le même tabac que l'ancien régime. Les mêmes gens foutres qui tenaient la queue de la poêle ont continué à gouverner sous le nom de République. L'étiquette seule a changé. Bien mieux, autrefois le peuple avait le droit de groomer, puisqu'il ne faisait qu'obéir. Tandis que maintenant, il n'a même plus cette consolation. Quand il veut protester, ses maîtres lui ferment le bec en lui disant « Tais ta gueule, espèce de ronchonneur, de quoi te plains-tu? C'est toi qui as créé ce qui est. C'est dans ta puissante souveraineté que tu as voulu être esclave. Subis ton sort en patience, pose ta chique et fais le mort, sinon on te fusille. » Ha ha! Il n'y a pas à tortiller. Cette vaste blague de la souveraineté populaire est tombée rudement à pic pour nous faire perdre le Nord. Sans elle, on serait arrivé à comprendre que le gouvernement est une mécanique dont tous les rouages fonctionnent dans le but de serrer la vis aux populos. Puis, avec 2 liards de réflexion, on aurait conclu que le meilleur usage qu'on puisse faire de cette affreuse machine, c'est de la foutre au rancard. On en serait venu à conclure que pour avoir ses coudées franches, pour vivre sans emmerdement, faut se passer de gouvernement. Tandis que grâce à l'embistrouillage de la souveraineté populaire, on a eu un dada tout opposé. On a cherché, et des nigdouilles cherchent encore, à modifier la mécanique gouvernementale de façon à la rendre profitable aux populos. Comme d'autres se sont attelés à la découverte du mouvement perpétuel ou de la quadrature du cercle, certains se sont mis à la recherche d'un bon gouvernement. Les malheureux ont du temps à perdre. Il serait en effet plus facile de dégoter la boule carrée ou de faire sortir des crocodiles d'un œuf de canard que de mettre la main sur un gouvernement qui ne fasse pas de mistoufle au pauvre monde. Ah, les gens en foutre de la haute ont été rudement marioles en nous sacrant souverains. On est fiers de la chose. Il n'y a pourtant pas de quoi faire les pharaons. Quand on rumine un tantinet, ce que ce fourbi à la manque est rigouillard, il n'y a pas pire trou du cutri. Pour s'en convaincre, il s'agit de regarder de près le fonctionnement de cette sacrée mystification. Et d'abord, nous n'exerçons pas notre souveraineté à propos de bottes quand l'envie nous vient. Ah mais non, les dirigeants ont réglé la chose, tellement que nous n'usons du fourbi qu'une fois tous les 4 ans. Cette précaution est indispensable, paraît-il, pour nous empêcher de détériorer notre trésor. La souveraineté est un bibelot fragile, et comme le populo a les pattes gourdes, s'il l'a manipulée trop souvent, il la foutrait en miettes. En ne laissant s'en servir qu'une fois tous les 4 ans, pour renouveler la délégation députée, les grosses légumes n'ont pas le moindre avaro à craindre. Une fois la comédie électorale jouée, ils ont de la brioche sur la planche pendant 4 ans, et ils peuvent s'enfiler des pots de vin et toucher des chèques à gogo. Voici comment s'opère l'exercice de la souveraineté. Supposez que je sois vautard. Le dimanche que la gouvernance a choisi, à l'heure qu'elle a fixée, sans naturellement me demander mon avis, je m'amène au bureau de vote. Je défile entre une rangée de purotins qui s'emmerdent à 20 francs l'heure, et malgré ça, palpent juste 3 francs pour leur journée. Ils ont du papier plein les pattes et m'enfourrent jusque dans mes chaussettes. Jusqu'ici, tout vautard que je sois, je ne suis pas plus souverain qu'un mouton qu'on écorche. Attendez, ça va venir. Dans la tripotée de bulletins dont les distributeurs m'ont farci, j'en pige un que je roule en papillote. Pourquoi celui-là plus aucun autre? J'en sais foutre rien. Le coco dont le nom est dessus m'est inconnu. Je n'ai pas été aux réunions, ça me dégoûte. J'ai pas lu les affiches, elles sont trop canulantes. Qu'est-ce que ça fait? J'ai confiance. Mais non d'un foutre, ma souveraineté est toujours pucelle. J'en ai pas encore joui. Quoique j'ai mon bulletin dans les pattes, tout prêt à être enfourné dans l'urne, je ne suis pas encore souverain. Je ne suis qu'une belle pochetée que la gouvernance tient sous sa coupe, que les patrons exploitent ferme et que les sergots font circuler à coups de renfoncement quand il m'arrive d'être attroupé. Ne désespérons pas, je serai souverain. J'avance. Enfin, mon tour arrive. Je montre ma carte, car je suis en carte. On ne peut pas être souverain sans être en carte. Maintenant, j'ai des fourmis dans les doigts de pied. C'est sérieux. Évidemment, le moment psychologique approche. Là, j'allonge la patte. Je tiens ma papillote entre les 2 doigts, le pouce et le chahuteur. Et là, reluquer ma tronche. Quel si qu'il n'y ait pas un photographe. 1, 2, je vais être souverain. Juste à la seconde précise où j'ouvrirai mon pouce et mon chahuteur, juste au moment où la papillote sera lâchée, j'userai de mes facultés de souverain. Mais à peine aurai-je lâché mon chiffon de papier que Bernie qui aura plus rien. Ma souveraineté se sera évanouie. Dès lors, me voilà redevenu ce que j'étais il y a 2 secondes, un simple nique-douille, une grande pochetée d'un vautard cucu, un cracheur d'impôts. Sur ce, la farce est jouée, tirons le rideau. J'ai été réellement souverain 1 seconde. Je le serai le même laps de temps dans 4 ans d'ici. Or, je ne commence à user de cette roupie souveraine qu'à l'âge raisonnable de 21 ans. C'est un acte si sérieux qu'il y aurait bougrement de danger à me le laisser accomplir plus tôt. C'est les dirigeants qui le disent, et ils s'y connaissent. Hein. Une supposition que je moisis sur terre jusqu'à la centaine. Le jour où j'avalerai mon tire-pied, j'aurai donc 80 ans de souveraineté dans la peau. À raison d'une seconde tous les 4 ans, ça nous fait le total faramineux de 20 secondes. Pour être large, en tenant compte des ballottages, des élections municipales, des trous du cutri électoral qui pourraient se produire, mettons 5 minutes. Ainsi, en 100 ans d'âge, au grand maximum, en ne laissant passer aucune occasion d'user de mes droits, sur mes 80 ans de souveraineté prétendue, j'aurais juste eu 5 minutes de souveraineté effective. Allez, bon bougre, voulez-vous m'indiquer une bourde plus gigantesque, une fumisterie plus carabinée, une couleuvre à avaler plus grosse que le serpent boa de la souveraineté populaire ? C'est la danse des élections. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite, on s'embrasse et on tourne en rond. Aujourd'hui c'est la fête aux institutions. Fais-toi beau pour gagner la députation. Car les filles voteront pour le plus mignon. Chacun dans la main son petit bulletin. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite, on s'embrasse et on tourne en rond. On sait bien que tu as de belles idées. Ce qu'il faut, c'est soigner ta publicité. Marianne t'aimera bien photographier. Quand t'es souriant, il est bon enfant. Exportation et puis multiplication. Planification. Mais foutre, c'est pas tout. Y a pas que cette unique gnôlerie dans le micmac électoral. J'ai dit que tout en me laissant bonne mesure, ce sera rudement chic si en 100 ans d'existence, j'arrive à jouir de 5 minutes de souveraineté effective. Encore faut-il, pour que je ne sois pas trop volée, que ma souveraineté vienne à terme et ne soit pas une fausse couche. Or ça me pend au nez. Me voici sortant de poser mon papier torche-culatif dans la tinette électorale. J'ai fait acte de citoyen. Mais cet acte ne va-t-il pas tourner en autre boudin? Mon papier va-t-il servir à quelque chose? J'attends l'épluchage des torches-culs. J'apprends le résultat. Zut, pas de veine, je suis dans le dos. L'apprenti bouffe-galette pour qui j'ai voté remporte une veste. Je suis donc blousée dans les grands prix. Ma souveraineté a foiré. J'aurais aussi bien fait d'aller soiffer un demi-stroc chez le bistrot. Ça m'eût fait davantage de profit. Ce qui peut me consoler un brin, c'est que l'épismard du coin, qui a eu le nez plus creux que Bibi et qui a voté pour le bon candidat, c'est-à-dire pour celui qui a décroché la timbale, est logé à 6 pieds renseigne que moi. En effet, à l'aquarium, à la Chambre des députés, son bouffe-galette s'aligne de telle sorte que, chaque fois qu'il vote, il est toujours dans la minorité. Donc mon épismard est volé lui aussi. Sa souveraineté est comme la mienne, elle ne vaut pas tripette. Ainsi c'est net, je vote pour un candidat black-boulé. C'est comme si j'avais pas voté. Mon voisin vote pour un candidat qui se range dans la minorité. C'est encore comme s'il n'avait pas voté. Et si, au lieu d'être un vautard grincheux, j'avais suivi le troupeau des moutons bêlants qui ont voté pour le bidard de la majorité? Eh bien, je n'en aurais pas eu un radis de plus en poche. J'aurais tout simplement la triste satisfaction de me dire que j'ai donné un coup d'épaule à un Chécard. Dans tous ces arias, que devient ma souveraineté? Elle ne devient rien, Miltonnerre. Elle reste ce qu'elle a toujours été, la rousse tamponne. Un attrape-nigaud, un piège à prolo et rien de plus, nom d'une pipe. Comme fiche de consolation, les grosses légumes veulent nous faire gober qu'un tel fourbi a pour résultat de mettre le gouvernement dans les pattes de la majorité. Ça, c'est encore une menterie faramineuse. Ce n'est jamais la majorité qui gouverne. Ce serait elle, que nous n'en serions pas plus heureux pour ça, attendu que tous les micmacs gouvernementaux ne sont que des fumisteries d'escamotage. Quoi qu'il en soit, je le répète, ce n'est jamais la majorité qui tient la queue de la poêle. C'est toujours une majorité de crapules qui s'est accrochée à nos flancs et qui s'y maintient grâce à la gnôlerie du populo. D'ailleurs, pour bien se rendre compte que cette racaille n'a rien de commun avec la majorité, il n'y a qu'à éplucher par le menu la distribution des bouffe-galettes à l'aquarium. Supposons que la population de la France, qui est à vue de nez d'une quarantaine de millions, soit tassée sur une surface grande comme une page de mon almanach. Or, il y a juste 10 millions d'électeurs sur ces 40 millions d'habitants. Pourquoi 10 millions, et non pas 12 ou 18? Pourquoi ne commence-t-on à voter qu'à 21 ans? Pourquoi les femmes ne sont-elles pas électeurs? Pourquoi faut-il que les bons bougres aient des quittances de loyer pour être inscrits? Pourquoi les soldats ne votent-ils pas? Ça, ainsi que bien d'autres contradictions, personne n'a jamais pu les expliquer, c'est la bouteille à l'encre. Donc il y a dans toute la France que 10 millions d'électeurs. Supposons ces couillons-là poussent en carré, kiff kiff les asperges, et pour les classer, prenons les chiffres de la foire électorale de 1893. Le carré des abstentionnistes fait à lui seul le tiers des électeurs. Vient à côté le carré des votards dont les candidats n'ont pas décroché la timbale, ils sont 2 458 000. Ces deux carrés réunis font plus de la moitié. Cela se passe de députés. Vient ensuite le carré des élus. Celui des socialistes est le plus maigre. Celui des réacs le suit, puis celui des radicaux. Faisons la loi à tout cela, nous tombons ensuite dans le trou à fumier des opportunards et des ralliés. C'est eux les plus forts, et c'est eux qui gouvernent. Et ils ne sont pas le quart des votards. Et encore, foutre, faut-il pas crier trop haut qu'ils gouvernent? Les 300 bouffe-galettes qui représentent ces 2 300 000 votards ont en effet à balancer le 270 birbes des diverses oppositions. Seulement, il y a de tels micmacs à l'aquarium que la plupart du temps, les députés se fichent de l'opinion de leurs électeurs autant qu'un poisson d'une pomme. Ils votent suivant les ordres d'un ministre ou les ordres d'un distributeur de chèques. De sorte que ces 2 300 000 andouilles qui ont voté pour des bouffe-galettes de la majorité n'ont, même pas eux, la veine d'être représentés selon leur cœur. En dernier ressort, c'est une douzaine de crapules qui gouvernent la France. En dernier ressort, c'est une douzaine de crapules qui gouvernent la France. Des ministres comme Rouvier, Bayot ou Dupuis, des distributeurs de chèques comme Arton ou des banquiers comme Rothschild. Oh!

et non point de l'électeur qui la connaît et qui s'en moque, de celui qui ne voit dans les résultats de sa toute-puissance qu'une rigolade à la charcuterie monarchiste ou une ribote au vin républicain. Sa souveraineté à celui-là, c'est de se pocharder aux frais du suffrage universel. Il est dans le vrai, car cela seul lui importe, et il n'a cure du reste. Il sait ce qu'il fait, mais les autres. Ah oui, les autres, les sérieux, les austères, les peuples souverains, ceux-là qui sentent une ivresse les gagner lorsqu'ils se regardent et se disent « Je suis électeur, rien ne se fait que par moi, je suis la base de la société moderne. Par ma volonté, Floquet fait des lois auxquelles sont astreints 36 millions d'hommes, et Beaugris d'Asson aussi, et Pierre Alip également. » Comment y en a-t-il encore de cet acabit? Comment, si entêtés, si orgueilleux, si paradoxaux qu'ils soient, n'ont-ils pas été, depuis longtemps, découragés et honteux de leur œuvre? Comment peut-il arriver qu'ils se rencontrent quelque part, même dans le fin fond des landes perdues de la Bretagne, même dans les inaccessibles cavernes des Cévennes et des Pyrénées, un bonhomme assez stupide, assez déraisonnable, assez aveugle à ce qui se voit, assez sourd à ce qui se dit, pour voter bleu, blanc ou rouge, sans que rien l'y oblige, sans qu'on le paye ou sans qu'on le saoule? Quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d'une volonté, à ce qu'on prétend, et qui s'en va, fier de son droit, assuré qu'il accomplit un devoir, déposé dans une boîte électorale quelconque, un quelconque bulletin, peu importe le nom qu'il est écrit dessus. Qu'est-ce qu'il doit bien se dire en dedans de soi qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant? Qu'est-ce qu'il espère? Car enfin, pour consentir à se donner des maîtres avides qui le grugent et qui l'assomment, il faut qu'il se dise et qu'il espère quelque chose d'extraordinaire que nous ne soupçonnons pas. Il faut que, par de puissantes déviations cérébrales, les idées de député correspondent en lui à des idées de science, de justice, de dévouement, de travail et de probité. Il faut que dans les noms seuls de Barbe et de Bayot, non moins que dans ceux de Rouvier et de Wilson, il découvre une magie spéciale et qu'il voit, au travers d'un mirage, fleurir et s'épanouir dans Vergoin et dans Hubbard des promesses de bonheur futur et de soulagement immédiat. Et c'est cela qui est véritablement effrayant. Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies les plus burlesques, ni les plus sinistres tragédies. Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu'un fait unique domine toutes les histoires. La protection aux grands, l'écrasement aux petits. Il ne peut arriver à comprendre qu'il n'a qu'une raison d'être historique, c'est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais, et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regardent point. Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean qui lui demande son argent et qui lui prenne la vie, puisqu'il est obligé de se dépouiller de l'un et de donner à l'autre? Eh bien, non. Entre ses voleurs et ses bourreaux, il a des préférences, et il vote pour les plus rapaces ou les plus féroces. Il a voté hier, il votera demain, il votera toujours. Les moutons vont à l'abattoir, ils ne se disent rien, eux, et ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Bon électeur, inexprimable imbécile, pauvre air, si, au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes que te débite chaque matin pour un sou, les journaux grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau, si au lieu de croire aux chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenilles, si, au lieu de t'arrêter éternel badaud devant les lourdes duperies des programmes, si tu lisais parfois au coin de ton feu Schopenhauer et Max Nordau, deux philosophes qui en savent long sur les maîtres et sur toi, peut-être apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lus, serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave et la belle redingote, à courir ensuite vers les urnes homicides, où, quelque nom que tu mets d'avance le nom de ton plus mortel ennemi. Il te dirait en connaissance d'humanité que la politique est un abominable mensonge, que tout y est à l'envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n'as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines. Rêve après cela, si tu veux, des paradis de lumière et de parfums, des fraternités impossibles, des bonheurs irréels. C'est bon de rêver, et cela calme la souffrance. Mais ne mêle jamais l'homme à ton rêve, car là où est l'homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi que l'homme qui sollicite les suffrages est, de ce fait, un malhonnête homme, parce qu'en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu'il ne te donnera pas et qu'il n'est pas, d'ailleurs, en son pouvoir de te donner. L'homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspirations, ni rien de toi. Il ne représente que ses propres passions et ses propres intérêts, lesquels sont contraires aux tiens. Pour te réconforter et ranimer des espérances qui seraient vite déçues, ne va pas t'imaginer que le spectacle navrant auquel tu assistes aujourd'hui est particulier à une époque ou à un régime et que cela passera. Toutes les époques se valent, et aussi tous les régimes, c'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Donc, rentre chez toi, bonhomme, et fais la grève du suffrage universel. Tu n'as rien à y perdre, je t'en réponds, et cela pourra t'amuser quelque temps. Sur le seuil de ta porte, fermé aux quémandeurs d'aumônes politiques, tu regarderas défiler la bagarre, en fumant silencieusement ta pipe. Et s'il existe, en un endroit ignoré, un honnête homme capable de te gouverner et de t'aimer, ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa dignité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis, trop fier pour tenir de toi un mandat que tu n'accordes jamais qu'à l'audace cynique, à l'insulte et au mensonge. Je te l'ai dit, bonhomme, rentre chez toi et fais la grève. Octave Mirbeau, 28 novembre 1888. À l'occasion des élections législatives de 1919, 200 000 exemplaires du présent texte ont été diffusés. Des élections en France, Éclair Journal, soucieux de la bonne compréhension de la loi électorale, est allé interviewer un éminent spécialiste de la question. Pierre Dac vous parle. Citoyennes, citoyens, ce qui caractérise la nouvelle loi électorale, c'est la simplicité de son application. En ce sens qu'elle est une, indéfectible et rigoureusement uniforme. C'est-à-dire que le mode de votation varie suivant les régions, l'idée qu'on s'en fait, d'après la compréhension de tout un chacun, sans préjudice du reste, et de tout ce qui s'ensuit. C'est ainsi que dans la Seine et dans la Seine-et-Oise, et là seulement, on votera comme en 1946. En conséquence, tous ceux qui se souviennent comment on votait en 1946 n'auront qu'à voter de la même manière en 1951. Partout ailleurs, y compris les circonscriptions avoisinantes, le scrutin de liste sera majoritaire, avec panachage à un tour et apparentement consécutif au vote préférentiel. L'apparentement permet aux diverses listes en présence de se fondre en une seule, de manière à pouvoir se diviser pour mieux se réunir afin de s'entendre pour se mettre d'accord sur tout ce qui les sépare. Le panachage et le vote préférentiel facilitent le choix des électeurs en lui donnant l'occasion de décompter 50% sur les 7% du total des suffrages éventuels, d'après naturellement la plus forte proportion connue, compte tenu de la majoration de 10% et déduction faite du tiers provisionnel et de l'abattement à la base. Citoyennes, citoyens, pas d'abstention, tous aux urnes, et votez pour moi. Votre choix et ne vous en moquez pas. Votez un bon. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán, nos dicen. Con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos. Si la voz rebelde se domesticó, malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Der Spatten.